Yeah, hey, on veut la paix mais on prépare la guerre. On parle d'amour mais on sème la misère. On dit qu'on change mais on répète les mêmes erreurs. Paradoxe humain, contradiction dans les mœurs. On veut sauver la planète en achetant un Tesla. Produit par des mômes au Congo, quelle impasse. Vegan mais iPhone dans la poche, c'est ça. Conscience et lecture, hypocrisie en masse. On dit famille d'abord mais jamais de temps. Pour les parents vieillissants, toujours urgent. On valorise l'authenticité sur les réseaux. En postant des vies filtrées, des faux égos. On condamne le capitalisme en buvant Starbucks, on dénonce Amazon tout en commandant de luxe. On veut l'égalité mais on marche sur les autres. Pour grimper l'échelle, chacun pour soi, pas d'apôtre. Paradoxe, on vit dans le paradoxe. Paradoxe, contre ce qu'on dit et ce qu'on fait boxe. Paradoxe, humain, contradictoire. Paradoxe, c'est notre vraie histoire. On critique les politiques mais on vote pas. On veut du changement mais on bouge pas. On se plaint du système en le nourrissant. On rêve de révolution du fond du divan, c'est troublant. On dit que l'argent fait pas le bonheur mais tout le monde court après. On prône la simplicité en achetant l'excès. On veut des relations vraies sur des apps de dating. On cherche l'amour en swipant, quel ending. On critique les influenceurs mais on les suit tous. On déteste la télé-réalité mais on mate jusqu'au bout. On veut ralentir le rythme et on check nos phones 300 fois par jour, anxiété en trône. On dit vouloir la vérité mais on préfère l'illusion. Confortable, rassurante, éviter les questions. On juge les autres sévèrement, nous on est parfait. Miroir déformant, hypocrisie c'est fait. Paradoxe, on vit dans le paradoxe. Paradoxe, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait boxe. Paradoxe, humain, contradictoire. Paradoxe, c'est notre vraie histoire. Paradoxe, on vit dans le paradoxe. Paradoxe, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait boxe. Paradoxe, humain, contradictoire. Paradoxe, c'est notre vraie histoire. Mais peut-être que c'est ça, être humain, imparfait, contradictoire, incertain. Accepter nos paradoxes sans jugement, évoluer lentement, humblement. Paradoxe, paradoxe, je me contredis moi-même dans ce morceau, c'est atroce. Mais au moins j'assume, je suis lucide. Première étape vers quelque chose de plus solide.